À l'heure d'une ébullition sans précédent pour les musiques électroniques underground et les formes de fêtes qui y sont liées, force est de constater que cet engouement repose grandement sur un revival des esthétiques sonores apparues dans les années 90. Chicago House et Techno de Détroit sont aujourd'hui les mots-clés pour les promoteurs qui tentent de remplir leur jauge face à une concurrence infernale ou pour les producteurs toujours plus influencés par le son de leurs aïeux. Les pionniers nord-américains des musiques de club sont portés au rang d'icônes et se produisent dans les clubs du monde entier, vivant peut-être la période la plus faste de leur carrière. Alors il serait évidemment absurde de voir ce foisonnement comme une dynamique stérile, mais nous ne pouvons nous empêcher de le questionner. Ne serait-il pas une réponse à l'absence d'un nouveau courant électro ayant réussi à s'imposer durablement ? Plus encore, serait-il symptomatique de l'incapacité des musiques électroniques à se réinventer ? Parallèlement, les arts visuels dont la digitalisation a apporté un champ de possibilités sans précédent semblent ne souffrir aucun frein à l'innovation. Les arts dits numériques se sont rapidement associés à différents projets de musique électronique dont l'aspect répétitif favorisait un but commun, une expérience totale et immersive. Depuis le début des années 2000, certains producteurs électro imaginent même des lives mêlant les deux disciplines, l'une étant indissociable de l'autre. Plus récemment, et grâce à l'appropriation de la révolution des data par les disciplines artistiques, l'une peut même avoir une incidence sur l'autre, ouvrant donc pour la musique électronique une nouvelle source de créativité. Alors les arts numériques sont-ils le futur de la musique électronique ? C'est la question que nous nous poserons aujourd'hui en compagnie de nos trois invités. Jean-Yves Leloup, journaliste, écrivain et animateur radio spécialiste des musiques électroniques, rédacteur en chef de Radio FG jusqu'en 2002, chroniqueur sur Nova. Il est également impliqué dans la réalisation de créations radiophoniques pour France Culture. Il a publié des articles pour Actuel, Libération, Jazzman, Trax ou Tsugi notamment. En parallèle de sa carrière radiophonique, il œuvre aussi pour l'art contemporain dans les années 90 au sein des collectifs Abao, Aku et Bureau des Vidéos, et plus tard en tant que commissaire d'exposition pour des événements tels que Global Techno ou Electro Sound. NS2, danseur de formation puis producteur de musique électronique à l'inventivité intarissable. Il sort deux EP remarqués sur le label Clek Clek Boom en 2013 et 2015 avant de lancer son propre label Standalone Complex en 2016, et il a enregistré en 2017 son premier long format Intuition, produit lors d'un séjour d'un mois en Alaska. Death, de son vrai nom, fascine par son approche innovante de la production, utilisant les mouvements d'éléments naturels comme un arbre, une rivière ou un insecte pour créer des sons. Et enfin, Chloé Magdelaine, qui est impliquée dans de nombreux projets d'art numérique. Elle a notamment travaillé pour la Biennale internationale d'art numérique à Enghien-les-Bains, sur les expositions Paris Music Club et Extra Fantôme à la Gaîté Lyrique. Elle a plus récemment contribué au festival de créativité numérique Mutech Montréal. Elle est également chroniqueuse pour le webzine Bitalaire sur les scénographies numériques dans les musiques contemporaines. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je serai accompagné tout au long de cette émission par Ben et Alexandre derrière les consoles à la réalisation, et de Léo qui m'épaulera donc pendant une heure. D'ailleurs Léo, tu vas nous recontextualiser un petit peu l'histoire des arts numériques. Oui, il me semblait judicieux de rappeler ce qu'on appelle art numérique aujourd'hui et en quoi il consiste. Pour beaucoup, cette notion est née en 1850 avec le compositeur Richard Wagner et son essai intitulé « L'œuvre d'art du futur ». Concrètement, Wagner avait appliqué une fusion des arts pour un opéra. En mettant ses spectateurs dans la pénombre, entourés d'une réverbération sonore et de jeux de lumière travaillés, ces derniers pouvaient pleinement se concentrer sur la performance principale, à savoir l'opéra. Aujourd'hui, les arts numériques liés à la musique utilisent cette même notion, mais profitent de matériaux technologiques et innovants pour des projets futuristes d'envergure. Pourquoi parle-t-on d'art numérique ? Et numérique, ce qui relève des nombres. En opposition à l'analogique, le numérique est la représentation d'informations par des caractères tels que les chiffres ou les valeurs. En partant de cette stricte définition, on comprend que les arts qui utilisent la technologie, l'ingénierie, la science, les logiciels, la vidéo, le corps humain et bien sûr la musique, au service d'expériences sensitives, de créations uniques, sont appelés arts numériques. Avant de s'appeler pourtant numérique, les arts que l'on va évoquer ce soir étaient multimédia. Dans les années 90, la production d'œuvres interactives est foisonnante et l'apparition du net art ou pratique artistique utilisant Internet comme matière première démontre que les possibilités sont infinies. Tu peux nous donner des exemples ? Alors en 86, l'artiste canadien David Rockby mettait au point un logiciel dont le concept est encore utilisé aujourd'hui. Le mouvement du corps crée le son. L'an dernier, notre invité, NS2, était allé plus loin. Grâce à une caméra, des capteurs et des circuits imprimés, l'artiste avait créé de la musique grâce à des vers de terre dans un bocal. Leur mouvement, capté et relié à de la technologie, générait des nappes de son qu'NS2 utilisait ensuite pour produire des morceaux. En 2018, l'innovation et la technologie sont à leurs apogées et ne limitent plus la pratique artistique qui n'a plus qu'à laisser libre cours à son imaginaire. Avec toutes ces pratiques, ces techniques, ces matériaux et ces idées, les arts numériques liés aux musiques électroniques possèdent une réelle dynamique et on commence même à parler de culture digitale, synonyme du numérique, qui englobe art numérique et musique électronique en une seule et même discipline. Et avant d'entamer cette émission, on vous fait découvrir en avant-première le nouvel EP du producteur allemand Jordi Barrel, Rhyme Goes On, qui sort le 15 février sur le label Petra Digital. Et pour patienter donc, voici Recycling, extrait du disque et en exclu sur Make It Deep. Yo. Yeah, right. Yo. Yeah, right, make classic. Yo. Yeah, right. Crafted to make classics. C'était Jordi Barrel sur Make It Deep avec Recycling qui sortira sur Petra Digital. Make it deep. On va donc commencer cette émission avec une première partie intitulée « Les musiques électroniques en panne d'innovation ». On remarque que nous sommes dans une période où la nouvelle génération de producteurs a tendance à adopter une esthétique empruntée aux années 90. Peut-on affirmer que la musique électronique peine aujourd'hui à innover par le seul biais sonore ? Death? Bah ouais, je peux commencer. Non, je pense pas, vraiment pas. Aujourd'hui, il y a la science qui aide aussi beaucoup la musique électronique. Il y a aussi les constructeurs indépendants qui aussi soufflent un peu un renouveau dans les créations. Donc non, j'ai pas l'impression qu'on est dans une boucle. Après, il y a toujours la même dissociation entre musique populaire et musique, pointue. Et bien sûr. Donc dès là, enfin. À partir de ce niveau-là, on peut commencer à avoir une scission un peu dans le mode de production, même le mode de pensée. Ce côté urgence de la musique aussi, qui joue beaucoup. Je veux dire, plus on a le temps, plus on a le temps d'innover, plus on est dans l'urgence et dans un rendement plus commercial, moins on innove et plus on est, je dirais, un peu plus vulgaire au niveau du temps de production. Donc, ouais, pour moi, non, c'est tellement large la musique électronique que je peux pas donner. Total. Ouais, bien sûr, non, mais ouais. Tout à fait, la question se pose, mais par musique pointue, t'entends musique expérimentale? Ouais, musique savante et musique expérimentale, ouais. Ouais. Du coup, si on doit fixer des bornes, peut-être qu'on peut effectivement aborder un peu plus tard les musiques savantes, les musiques expérimentales. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le côté plus vulgaire, ou en tout cas plus dance floor, où finalement, dans le côté dance floor aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on est dans une boucle, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où il y avait une innovation de Jean-Yves Leloup. Et on a vraiment changé d'époque. La question de l'innovation aujourd'hui, elle est très très présente. La scène, elle est très morcelée, même si on redécouvre naturellement les grands courants, la house et la techno des années 90. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, on va dire, avant 2000, avant la crise du disque, la pop, la culture populaire, des musiques qui vont du rock'n'roll des années 50 justement à la révolution de la house et de la techno, il y a une sorte d'évolution constante au cours de carrément 40, 50 ans, avec l'arrivée de nouveaux courants, de nouvelles tendances qui remplacent les unes et les autres. Il y a comme une sorte de marche en avant comme ça vers l'an 2000 qui culmine avec l'arrivée de la house et la techno, et leur dissociation dans plein de courants, de sous-genres au cours des années 90, qui, lorsqu'on les a vécus, étaient tout à fait très impressionnants, de voir arriver tous les 2-3 ans quelque chose de neuf, de nouveau, qui parfois balayait les anciennes vagues. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vécu cette époque-là, disons qui ont eu 20 ans avant l'an 2000 en quelque sorte, et même on a vécu l'idée du rock, l'électro ou du hip-hop ou de la disco comme des vagues successives et comme une idée, une utopie d'innovation constante. À partir des années 2000, on change un petit peu d'époque. Aujourd'hui, effectivement, avec on a les nouvelles générations d'artistes, de musiciens, d'auditeurs ont accès à toutes les musiques d'origine historique et géographique sur un espèce de plan un peu horizontal comme ça. Une grande partie des musiques électroniques notamment ont été numérisées, sont accessibles, et ça transforme totalement notre accès à la musique et à l'innovation et au renouvellement des courants. Donc c'est assez difficile il faudrait un peu plus de temps pour savoir ce qui est neuf et ce qui ne l'est pas. C'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, de nouvelles générations, de nouvelles soirées replongent dans des genres et des courants qui avaient été peut-être un peu oubliés pendant les années 2000. Mais il y a toujours de l'innovation aujourd'hui. Mais parfois, ce sont des niches, des micro-niches, des micro-courants qui parfois passent inaperçus. C'est très difficile d'être au courant de l'ensemble de la musique électronique. Et ils ne sont plus, disons que les courants novateurs ou les tendances, les esthétiques novatrices ne sont plus aussi, ne font plus table rase du passé de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ne remplacent plus de la même manière, elles existent, elles coexistent à côté d'autres choses, parce qu'il s'est passé, il y a eu des innovations stylistiques depuis 2007, qui a annoncé un peu le retour de l'électronique dans les musiques populaires et chez une nouvelle génération. C'est beaucoup plus complexe de voir ça. Après, effectivement, l'essentiel de ce que la house et la techno ont inventé, ils l'ont inventé, et on ne va pas renouveler les choses avant un certain temps, parce qu'il y a des bases stylistiques, techniques, technologiques, en gros entre 86 et 2001, là, pendant 15, 13, 14 ans. Franchement, depuis la house de Chicago jusqu'à l'électronica de 2000-2001, franchement, on a inventé énormément de choses. Par contre, ce qui est véritablement neuf depuis, on va dire, 10 ans, c'est effectivement ces correspondances entre les arts visuels, les arts numériques et la musique. Et au fond, c'est moins dans la forme dans les formes musicales que dans les formes scénographiques que quelque chose s'est inventé. Et d'ailleurs, je pense qu'elle s'est inventée, on a posé les bases aussi, et ça mériterait certainement d'être, de faire table rase, de voler un petit peu en éclat. Oui. Donc finalement, il y a eu des évolutions, mais elles ne sont pas toujours à l'endroit où elles les attendent, donc elles sont moins formelles que scénographiques. On va y venir largement dans la suite de cette émission, mais alors, on voit quand même, malgré tout, un engouement, une vague particulière aussi sur une fascination autour du digging, avec les récentes communautés de chineurs qui se passionnent pour la découverte de vieux morceaux oubliés. Donc on n'est pas uniquement dans une difficulté à innover ou en tout cas une sorte de forme de stagnation, mais on est carrément dans une fascination aussi du passé. Comment l'expliquer ? Est-ce qu'elle peut aussi être expliquée par un ras-le-bol du tout numérique ? Alors le digging, oui, enfin effectivement, cet attrait pour le vinyle ou pour la cassette ou pour d'anciens médias, bien évidemment, on passe notre temps devant nos écrans pour écouter de la musique, pour travailler, pour jouer, pour draguer, pour faire beaucoup de choses. Effectivement, il y a un besoin de rematérialisation, mais aujourd'hui, il y a aussi la constitution d'une histoire et d'une culture. Aujourd'hui, je pense que ceux qui découvrent ou qui vivent la musique électronique, comme vous par exemple, c'est une musique ou c'est une culture qui va rester toute votre vie. C'est pas quelque chose que vous allez oublier dans 5 ans ou 10 ans, même si vous vous intéresserez aux innovations musicales. Aujourd'hui, on se fabrique une culture, une histoire qui a été plus ou moins écrite, mais moi j'ai découvert ça une vingtaine d'années dans les années 90, on connaissait rien, on a l'impression que c'était une musique qui sortait de nulle part, alors ce qui était faux bien évidemment. Donc on a commencé à écrire cette histoire, à la fabriquer, et là finalement ce qui se fait c'est qu'on fabrique cette histoire, c'est assez naturel, donc et qui est enrichi bien sûr par cet âge de l'accès, par le fait que la communauté des amateurs d'électronique ait uploadé tous ces morceaux sur YouTube, qui est vraiment notre outil en quelque sorte, que l'on utilise quasiment tous les jours, plus que d'autres musiques. Il y a plus de musique électronique sur YouTube que de rock, à mon avis, ou que de tango, ou de salsa, ou d'autres genres. Donc c'est aussi une manière de construire son identité et son histoire. Et puis c'est effectivement le signe des temps, qu'on a accès à des musiques de toute époque et de toute géographie, et qui c'est ça aussi la nouveauté, c'est qu'on peut fabriquer des musiques ou plutôt des nouveaux courants à partir de cette espèce de kaléidoscope d'époque et de temps. Mais c'est cet âge de l'accès qui change notre rapport au passé aussi. Ce qu'on n'avait pas, justement en 90-91, on avait l'impression que la techno, la house sortait de nulle part. Parce qu'on avait, on n'avait pas accès à autant d'histoires, même si on connaissait ce qui s'était passé dans les années 70 ou 80. C'était quelque chose. Le passé était quelque chose de plus abstrait, en quelque sorte, qu'il était beaucoup plus difficile de construire ou de reconstruire. Je me posais une autre question qui serait peut-être aussi une explication au phénomène dont on est en train de parler. Les pionniers des musiques électroniques avaient généreusement puisé leur inspiration dans des imaginaires visuels. Il y avait une fascination aussi à travers les films de science-fiction sur l'espace, sur les représentations de l'espace, une fascination du futur. Et à l'heure de la réalité virtuelle, est-ce que les musiciens manquent aujourd'hui d'imaginaire pour inventer aussi une nouvelle musique ? Ah non, je pense pas qu'il manque d'imaginaire. C'est plus du tout le même. Effectivement, avant l'an 2000, on a le regard tourné, l'esprit tourné vers l'an 2000. Il y a une sorte d'idéologie du futur aussi. Parfois aussi naïf puisse-t-elle paraître, ou pouvait-elle paraître dans les pochettes, dans les déclarations, dans les interviews. C'était aussi les années 90, c'est l'émergence de la cyberculture. Donc effectivement, il y a quelque chose lié à l'idée de l'innovation. Aujourd'hui, les musiques électroniques, elles sont peut-être dans quelque chose de beaucoup plus lié au quotidien, lié à un humanisme, lié aussi à la question du territoire ou du voyage. Quand on voit le voyage qu'a fait NSDOS en Alaska ou d'autres au Pôle Nord ou d'autres à travers les époques sur d'autres continents. Effectivement, l'idée est moins peut-être dans l'innovation pour l'innovation, ou l'idéologie d'un futur, ou du cosmos, ou de la science-fiction. La science-fiction, elle est presque aujourd'hui, on est peut-être dans quelque chose de plus humaniste ou de plus quotidien, peut-être, il me semble. Après, c'est très difficile aujourd'hui à rassembler toutes les œuvres des artistes actuels sous un même imaginaire. Mais et puis sans doute qu'il nous faudra un petit peu de recul pour essayer de déterminer un peu les imaginaires actuels. Moi, c'est justement ma question qui me passionne, puisque je travaille sur une exposition qu'on ouvrira dans un an à la Philharmonie. sur les cultures, codes et imaginaires de la musique électronique. Alors ceux du passé, c'est assez facile, ceux d'aujourd'hui sont peut-être un peu plus complexes. Après, il y a des choses qui restent effectivement, pas le futur, mais par exemple la géométrie, l'abstraction géométrique, la fascination pour l'infini, pour les mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la culture numérique et qui est presque une tarte à la crème. Mmh. Toi, NSDES, qui justement a une démarche radicalement innovante dans ta manière de produire, qu'est-ce qui t'inspire dans ta création? Je dirais le rapport entre la nature et les arts numériques, justement. Parce qu'on est dans quelque chose de très fantasmé par rapport à la nature. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est jamais on pouvait inclure cette nature dans les créations, en fait. Je me suis toujours demandé la part du chaos via la nature dans mes œuvres, ce que ça pouvait donner, en fait. Et de donner toujours cet esprit vivant, en fait, dans la musique. Parce que moi, je dissocie vraiment les maths d'un système naturel, même si pour certains, ça peut être un peu pareil. Mais ouais, quelque chose un peu divin, ouais. Rajouter le divin dans les nouvelles technologies, en fait. D'accord. ça m'inspire. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Pour conclure cette première partie, place au Disconnaire avec Léo. A, B, C, D. Alors, NSDES, Jean-Yves et Chloé, vous allez ouvrir une nouvelle page de notre Disconnaire. C'est un exercice lexical, mais surtout musical. Vous êtes chacun un dictionnaire spécialisé. À vous de définir les mots suivants. NSDES, le mot est machine. Entité dépourvue d'émotions. Jean-Yves, futuriste. Une avant-garde du début du XXe siècle qui s'est fourvoyée dans sa fascination pour l'industrie et pour la guerre. Et enfin, Chloé, interactivité. Je dirais quelque chose qui va mettre... le spectateur, la personne qui va lui parler directement, en fait. Un lien direct. Un lien direct, voilà. Très bien. Merci pour ces éclairages. On va ajouter vos définitions donc à notre Disconnaire. Et une petite pause en musique avant de passer à la seconde partie de notre émission. C'est la sortie du jour, elle est signée Euron Seven avec un nouvel EP intitulé The Woman Behind Me. Le disque vient de sortir sur le label Robsoul Recordings et on écoute un morceau tout de suite, The Woman Behind Me d'Euron Seven, c'est sur Make It Deep. C'était Euron 7 avec The Woman Behind Me, sorti aujourd'hui sur Rob Soul Recordings. Voici venu le temps de la deuxième partie, les arts numériques et la fête, avec dans un premier temps un besoin d'éclaircissement. Le concept d'art numérique nous paraît encore assez flou et difficilement définissable. Comment peut-on le caractériser et qu'est-ce qui le sépare par exemple du simple VJing? Est-ce l'aspect interactif? Chloé Magdalène. J'ai tendance à dire que le VJing fait partie intégrante de l'art numérique, c'est seulement une spécificité de l'art numérique, mais l'art numérique peut, comme Léo l'a dit tout à l'heure, recouvrir une infinité de formes, en passant par le net art, par l'art interactif, par le VJing, le mapping, enfin, ça peut vraiment recouvrir différentes formes, le computer art, le glitch art, enfin, c'est vraiment plein de formes qui existent dans les arts numériques. On peut pas vraiment dire qu'il y a une forme d'art numérique. Donc c'est difficilement définissable par essence. Il y a plein de pratiques différentes. Et effectivement, c'est presque aussi vaste qu'un terme comme, je sais pas, art visuel, qui pourrait être très, très bateau comme ça. C'est sûr que les liens, l'art numérique avec la musique électronique dans le cadre alors des concerts, des festivals ou de la fête, là on est plutôt dans ce qu'on appelle parfois le live AV, le live audiovisuel, ou concert audiovisuel, ou on appelle ça parfois live staging, donc là où des artistes visuels ou des scénographes ou des vidéastes interviennent pour enrichir le travail des musiciens sur scène, ou parfois travaillent à égalité avec eux. Donc voilà, là on a vraiment une partie des artistes d'ailleurs qui viennent du VJing, celui des années 90 et 2000, qui a vraiment évolué vers une forme beaucoup plus aboutie depuis quelques années. Et puis il y a aussi tout un travail plutôt sur la sculpture de la lumière, on pourrait appeler ça comme ça, surtout avec aujourd'hui la baisse des coûts avec les LED par exemple, permettent à certains artistes ou des light jockeys ou des artistes visuels de travailler la lumière au-delà de l'éclairage de soirée ou de concert tel qu'on le connaissait habituellement, et y apporter en tout cas quelque chose d'un peu plus neuf en quelque sorte. Voilà, il y a un travail aujourd'hui de mise en scène ou de scénographie de la musique qui peut, alors certains peuvent se voir comme des artisans et d'autres comme des artistes à part entière qui travaillent presque à égalité avec certains artistes ou des musiciens sur scène. D'accord. Est-ce qu'on sait exactement, enfin, ou à peu près, quand est-ce que les arts numériques ont commencé à être intégrés à la fête? Les VJs arrivent dans le courant des années 90, mais honnêtement, avant l'arrivée des véritables logiciels comme Resolume et quelques autres, c'est encore un petit peu difficile. Moi, j'ai montré des vidéos dans des rêves en 92 et 93 avec des montagnes de moniteurs et des magnétoscopes qui jouaient de l'art vidéo, si tu veux, mais moi, on n'était pas dans le VJing. Donc, c'est plutôt dans les années 2000 que le VJing commence à être plus intéressant et à pouvoir être travaillé en direct. Et puis sinon, après, il y a les premiers lives ou concerts audiovisuels, c'est plutôt au croisement des années fin 90, début 2000, avec des artistes, alors là, pas dans le domaine de la fête, mais Ryoji Ikeda, Karsten Nikolai, ce sont eux vraiment... Dubtype, voilà, qui était un collectif plutôt de danse et de spectacle vivant dont faisait partie Ryoji Ikeda, donc ça dès les années 90. Donc là, on est plutôt dans le spectacle, l'art vivant, les relations avec l'art numérique, avec le spectacle vivant et ou la danse contemporaine. Donc on n'est pas vraiment dans le domaine de la fête. Après, moi, je pense qu'on prend souvent une date un peu clé, c'est 2007, c'est quand 1024 Architecture font le Square Cube pour Étienne de Crécy. D'accord. Voilà, tout d'un coup, les producteurs ou Étienne de Crécy ont l'idée d'aller chercher des gens qui viennent plutôt de l'architecture et des arts visuels et de l'art numérique aussi. Et ils relancent entièrement sa carrière avec un système à la fois très simple, très ingénieux, très facile à transporter. Et c'est vraiment d'ailleurs en France, hein, faut le dire, que voilà, des artistes comme 1024 ou après des gens comme AntiVJ et quelques autres travaillent à égalité souvent avec les musiciens. Ils ne sont pas là juste pour illustrer leur travail. Et puis c'est vrai que mais dans d'autres pays, United Visual Artists à Londres par exemple, on travaille pour des gros concerts, un Massive Attack avec des très très gros budgets à la même époque, et puis aussi les Daft Punk avec la Pyramide. Alors je connais pas les artistes ou la maison de prod qui a travaillé sur ce dispositif, qui venait sûrement des pays anglo-saxons, mais c'est pareil, c'est vers 2007 aussi ce live là donc voilà, ça arrive il y a 10 ans à peu près. Ok. Au-delà de son pouvoir immersif et esthétique, est-ce que l'intégration des arts numériques dans la fête peut apporter autre chose au public, par exemple influer sur ses mouvements ou développer son imaginaire? Bah ouais, dans le meilleur des cas, ça serait bien. Ouais, à chaque fois je rêve de cette drogue digitale, cette espèce de d'installation qui ferait oublier les vraies drogues aux gens et qui pourrait les mettre dans un système immersif comparable. Mais pour l'instant on a, enfin je dirais maintenant avec l'intégration de la VR, on a la possibilité de le faire, mais je pense que le problème c'est que l'art numérique doit toujours être un peu une nappe qui doit pas non plus rentrer les gens dans une boîte, mais les laisser aussi libres de leur mouvement. D'accord. Et je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là. On peut encore, je dirais, agrémenter des lives électroniques comme ça, mais l'immersif, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il faudrait tendre à l'immersif? C'est toujours le choix de l'artiste, en fait. Le choix de l'artiste, ouais. C'est son propos, en fait, qui est intéressant. Pour moi, on peut faire tout et n'importe quoi si le propos est doté de poésie, ça devient intéressant. Si c'est juste, je dirais, un feu d'artifice allemand du 14 juillet, c'est un peu chiant. D'accord, okay. À propos justement d'influer sur les mouvements, est-ce que tu peux, donc Anes Nas, nous parler un peu de ton projet Club In Séquence que tu avais présenté à la Gaîté Lyrique en mai 2015? À ce moment-là, j'habite moi à Berlin. Ouais. Je vais tous les dimanches au Berghain, au début en tant que personne fascinée, puis après en tant que personne dégoûtée. L'idée, c'est en fait de pouvoir renouer avec l'esprit, je dirais, tribal de la danse et de la musique, en fait. Se retrouver dans un endroit où on célèbre ensemble et on se tourne vers nous-mêmes, en fait. Et l'idée, c'était de pouvoir trouver une scission entre le côté, je dirais, iconographique du DJ et du producteur, et pouvoir le faire rentrer dans un algorithme, un espèce de microcosme, en fait, où on pourrait avoir les gens du public qui pourraient danser, influer sur la musique du producteur. Le producteur pourrait avoir un feedback et pourra redonner aussi une autre nappe. Et l'idée, c'était d'avoir une espèce de, je dirais, écosystème, plus que microcosme, un écosystème. Et alors, du coup, concrètement, en fait, les mouvements des gens influaient sur, à la fois sur la musique, ouais, et sur l'œuvre d'art numérique, ouais, qui était liée. Alors, ouais, l'œuvre d'art numérique, sachant que moi j'aime bien tout ce qui est assez froid. Moi, je viens vraiment de cette école d'UpType, justement. Moi, je me sens vraiment très proche, venant de la danse et venant de tout ce qui est data. L'idée, c'était de pouvoir montrer une série de nombres où les gens pouvaient commencer à comprendre qu'ils faisaient partie de ces nombres-là, en fait. D'accord. Et aussi, j'avais utilisé des danseurs aussi pour pouvoir aussi générer, je dirais, des accidents dans la salle et avoir, ouais, un espèce de chaos, mais un chaos où tout le monde est OK pour le faire et tout le monde fait partie de ce chaos. D'accord. Ouais. Et donc, ta volonté, c'était aussi de rendre le public acteur aussi du moment que tu avais créé. Et est-ce que, selon toi et selon vous, la fête se doit aujourd'hui d'être interactive et d'impliquer le public dans sa narration? Si je peux faire une petite... Le problème avec la fête aujourd'hui, c'est qu'elle est liée à un mouvement économique qui est vente de la boisson. À partir du moment où on est dans ce mouvement-là, on peut pas, avoir de discussion possible. Si on est dans un endroit où le fait d'abolir tout système commercial est là on pourra commencer à parler de d'innovation ou de... Pour l'instant, on est trop bloqué sur ce truc-là et du coup, on essaiera toujours trouver un moyen de pouvoir alimenter, un commerce et trouver une façon de divertir les gens. D'accord. Mais on n'est jamais sur le premier... le premier layer n'est pas la fête, pour moi. D'accord. Ouais. Mais et du coup, est-ce que tu penses quand même qu'il faut aujourd'hui impliquer le public? Alors, en faisant abstraction du débit de boisson, mais impliquer le public et le rendre acteur de l'événement, comme tu avais pu le faire avec Club In Séquence. Est-ce que c'est important aujourd'hui que le public se sente acteur de l'événement? On est dans le tout interactif aujourd'hui, tout le monde veut participer. Je sais pas, mais Jean-Yves Leloup, il y a un travail, moi. Bon, si on prend vraiment la fête, là on n'est pas sur un live audiovisuel, il y a un travail de scénographie et de mise en scène. Ça existe depuis les grandes années disco, depuis New York dans les années 70. À un moment, on imagine accueillir le public, effectivement, que la fête aussi soit un événement, bien sûr, social, et qu'il y ait une interaction entre les participants, mais pas spécifiquement de dispositifs interactifs. Mais il y a une mise en scène qui met en valeur l'architecture, le lieu, et qui est fait aussi pour rassembler, pour travailler sur l'idée de communion entre les gens, pour qu'ils ne soient pas tous en train de regarder dans la même direction vers le DJ, ce que moi je trouve vraiment totalement désolant aujourd'hui. Ça me gêne terriblement, parce que pour moi, plutôt une fête où c'est un lieu, ce sont des interactions. Après, travailler sur des dispositifs interactifs, peut-être que Chloé aura des idées plus fines que moi là-dessus. Moi, je voudrais juste rebondir sur la notion d'interactivité. Ouais, Chloé McDonald. Une œuvre, en fait, elle est interactive, mais pour moi, pas à 100%, parce que dans la mesure où le public, en fait, peut influer sur une œuvre, mais que dans la mesure où l'artiste, l'auteur de l'œuvre, a décidé que ce serait tel mouvement du public telle action du public qui ferait quelque chose dans l'œuvre. Pour moi, l'art numérique, les œuvres interactives d'art numérique auront atteint un nouveau niveau à partir du moment où le spectateur pourra aller au cœur même du processus de création de l'œuvre et modifier ça, en fait. Pas seulement rester à ce que l'auteur lui a dit de faire, bon, tu vas faire ce mouvement-là, ça va influer la projection, mais aller lui aussi rajouter, réinjecter du code ou des choses comme ça, en fait. Vraiment passer d'art participatif. Voilà, exactement. Ouais. Mais en même temps, c'est tout le... À partir du moment où on laisse les gens rentrer dans son système, et ça, c'est aussi un truc politique, en fait, c'est est-ce qu'on accepte, à un moment donné, d'être déréglé? Est-ce qu'on accepte de pouvoir générer une nouvelle... de communauté de spectateurs qui aimeraient le dérèglement? Parce que si on est dans le dérèglement d'une œuvre, on est aussi dans le dérèglement d'un système dans le futur. Absolument, enfin, ouais. C'est comme ça que je le vois. Donc moi je trouve ça très beau, mais en même temps c'est très utopique finalement. Bien et sûr, je crois, ouais, qu'on n'arrivera jamais à avoir une œuvre interactive totale. Enfin, les lettristes ont déjà bossé sur ce genre de pensée là et on a oublié les lettristes, je pense. Donc donc ouais, je pense qu'on n'arrivera jamais à une œuvre interactive totale finalement. Il ouais. Ouais, y a un projet dans quelques jours à mi-cadence avec un artiste français, tout à coup le nom m'échappe. Discontrol Party, peut-être. Voilà, Discontrol Party. Samuel Bianchini. Voilà, Samuel Bianchini, qui est donc une fête, une soirée. Il y a des DJ, il y a des concerts, mais le public est intégré à une vaste installation qui travaille sur la reconnaissance ou la captation des visages. Donc à la fois c'est une fête et à la fois c'est une œuvre réflexive qui se veut mettre en valeur la manière dont nos comportements peuvent être en quelque sorte scannés, numérisés, et la manière aussi dont nos gestes, nos mouvements peuvent générer quelque chose. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'installation, mais il y a eu plusieurs essais de la part de Samuel Bianchini là-dessus. Et donc voilà un bon exemple d'une sorte de soirée un petit peu déviante ou hackée, on va dire, par un artiste. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer que... Enfin, c'est là une question qui se pose. L'utilisation des arts numériques dans la fête, alors pas les arts numériques dans leur grande largeur, mais dans les créations artistiques numériques, et donc leur utilisation dans la fête, est un phénomène d'ampleur ou est-ce que ça reste encore un phénomène de niche? Oui, Chloé. Je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur et ça attire un public qui n'aurait pas forcément tendance à venir écouter de la musique électronique. Par exemple, vendredi, il y avait le grand soir numérique à la Philharmonie et j'étais assez étonnée du nombre de personnes qui sont venues à la soirée et qui étaient pas, enfin qui avaient, il y avait des personnes qui étaient très âgées et je pense que c'est pas des personnes qui iraient forcément en club, mais là elles sont venues écouter des musiques électroniques, elles sont venues voir de l'art numérique et je pense que le côté pas seulement musique, mais le côté quelque chose d'augmenté par des visuels, ça a amené quand même plus de gens. Enfin, je sais pas ce que... Ça pourrait être une médiation pour des personnes un peu trop fans de musique électronique. C'est ça. Là, il y avait beaucoup de musique contemporaine aussi samedi soir à la Cité de la Musique. Donc, c'était le croisement de différents publics. Mais c'est vrai qu'il y a des fêtes... Il y a des gens qui ont toujours voulu voir un petit peu plus loin et proposer autre chose que le dance floor. Ça n'a rien en soi, ça n'est pas déshonorant de vouloir danser, mais pouvoir offrir autre chose au public. Alors en France, ça c'est pas une grande tradition. Ça se fait plutôt dans les festivals, effectivement, qui ont un peu plus de moyens pour produire, recevoir des artistes. Mais par exemple. Effectivement, quand on va au Kraftwerk à Berlin, pour certains festivals, il y a tellement de salles, de pièces, etc. Il y a vraiment des interventions d'artistes, alors à la fois dans la mise en scène, la scénographie des lumières, par exemple, et d'autres qui interviennent dans différentes salles, et évidemment. Ouais. Mais c'est essayer de pousser la fête un petit peu ailleurs. C'est vrai qu'il y a une telle industrie de la fête et du festival aujourd'hui. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas aller au-delà. Bien sûr, de ça. Tu parlais effectivement un peu du côté économique. On se pose la question quand même, parce que pour les profanes, les arts numériques semblent être une discipline très technique et qui nécessite un matériel quand même de pointe. Quand on fait une nouvelle fois abstraction du VJing à proprement parler, mais les vraies créations d'art numérique, Est-ce qu'il y a pas une barrière économique qui existe et qui empêche leur démocratisation? Ah bah non, ça coûte plus rien aujourd'hui. Ça coûte plus rien aujourd'hui de... Non, une boîte à rythme, ça coûte 70 euros. Teenage Engineering qui font des boîtes à rythme qui font cette taille-là. Ouais. Moi, j'ai commencé la musique électronique avec des Game Boy. mais pour les arts numériques, pour la création visuelle. Ça coûte plus grand chose, les projecteurs, sauf si on veut des projecteurs très puissants qui vont éclairer la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ça coûte très cher, la location, mais aujourd'hui... Une nouvelle fois, je pointais sur tous les vraies créations... Il n'y a pas de vraies créations. Oui, non, je veux dire les gros dispositifs, Les gros dispositifs... Évidemment, le DJing, aujourd'hui, c'est démocratisé. C'est le temps de production, c'est le temps de création et de production, et comment l'artiste va vivre, ça coûte de l'argent. D'accord. En termes techniques, aujourd'hui, on a bien réduit les coûts. D'accord. Et puis surtout, après, c'est pareil, c'est toujours l'exigence un peu du résultat final, mais je veux dire, c'est aussi tout ce qui est intéressant dans l'art numérique et tout ce qui est la culture hacker et do-it-yourself et circuit bending et tout ça, c'est qu'on arrive à des résultats qui aujourd'hui sont un peu repris par le mainstream de la culture de l'art numérique, mais enfin... Il y a des choses qui sont très accessibles et en vrai, c'est juste. Je pense qu'il y a pas encore. On n'a pas encore une très grosse culture de ce genre de mouvement en France, en fait. Quand on va à Berlin, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus détendu. Et quand je parlais de vulgarisation, du coup, on va au Kraftwerk. Là, on voit des gens qui sont avec leur bière en train de chiller. Il n'y a pas ce côté un peu, je dirais, prout-prout je vais voir un spectacle d'art numérique. Là, c'est vraiment. Ouais, parce qu'on a presque l'impression qu'il y a une certaine forme assez élitiste en France autour de. Mais je pense que il y a certains milieux qui sont très fermés et qui ne veulent pas ouvrir les choses, mais autrement avec Internet aujourd'hui on peut tout est accessible les tutoriaux et tous ces trucs là en fait on pourrait avoir le e-learning est très présent en tout cas dans les cultures électroniques ça faut aussi le très bien aussi, bon c'est l'heure de conclure cette deuxième partie avec le quiz. Comment tu sais tout ça toi? Julien Lepers, question pour un champion. Petit quiz du coup avant de passer à la dernière partie de cette émission, essayez de répondre à ces questions. Qu'est-ce que le manifeste des bruits? Le manifeste des bruits, qu'est-ce que c'est? C'est une question piège. Quoi, c'est un truc c'est Maurice Lemaître qui fait ça, non? C'est pas ça. C'est pas l'art des bruits des futuristes italiens, c'est pas. C'est Luigi Russolo. Ah oui, bah voilà, c'est ça. En 1914, exactement. L'art des bruits. Qui publie dans l'Acerba un article intitulé. Bon, je vais pas vous le dire en italien parce que c'est très très long, mais qui introduisait à cette époque-là un nouveau type de notation musicale qui est encore actuellement utilisé. Qui, si je vous dis Nam June Paik. Ouais, c'est le Fluxus, un des ambassadeurs du Fluxus. Créateur de l'art vidéo. Voilà. C'est ça. Ami de John Cage avec qui il collabora dans Variation 5, un opéra multimédia en 65, et il est un des pionniers dans l'audiovisuel avec sa manière de distordre, déformer et recoller des images vidéo. Et autre question, déjà en 2012 du coup, combien recensait-on de festivals dédiés aux arts numériques en France? En 2012? C'est l'étude la plus récente entre guillemets qui date de 2012. 15? 27? 6? Ah ouais, vous êtes très pessimiste. Il y en avait 437 dans le guide des festivals numériques publié par Musique et Culture Digitale en 2012. Donc un panorama international qui reflète leur diversité. Et dernière question, quel grand lieu a été l'un des premiers en 69 à utiliser la projection vidéo, donc mapping, sur des objets et bâtiments 3D? En 69? C'est très inattendu comme réponse. Est-ce que c'est un rapport avec une commémoration? Non. Non. C'est un lieu qui a un lien avec l'enfance. Euro Disney. Disneyland. Disneyland en 69 qui avait projeté sur ses bâtiments des vidéos avec un dispositif que je ne connais pas mais qui à l'époque devait être assez primaire. Merci pour vos réponses. On va clôturer donc cette partie en musique avec le vinyle du millionnaire sélectionné par notre digger Julien et extrait de son home digging mensuel. Voici donc Never Looking Back de La Voyage, sorti en 82 sur le label Trans E Record, et il est disponible sur Discog à 120,72 €. Never to see you. C'était donc le vinyle du millionnaire sur Make It Deep avec La Voyage Never Looking Back, sorti sur Trans E Record. Quel est le rapport entre art numérique et création sonore? C'est l'objet de cette troisième partie. Et messieurs, comment et mademoiselle, comment expliquer cette relation particulière qui lie les arts numériques aux musiques électroniques? Jean-Yves Leloup. Bah, ce sont les mêmes outils, hein, tout simplement. Ce sont des, voilà, ce sont des outils, c'est l'ordinateur, bien évidemment, aujourd'hui. Mais surtout, il y a des fonctions qui sont très, très proches, en fait, dans le maniement. Je sais pas, que ce soit des données, des images et des sons copiés, collés, zoomés, inversés. Finalement, c'est des manipulations, qui sont très très proches, et au fond un logiciel de séquençage de production musicale ressemble beaucoup à, par exemple, un logiciel de montage vidéo ou de traitement des images. Donc tout ça va main dans la main en quelque sorte depuis quelques années déjà. auparavant, tout de même, il faut dire que les logiciels de traitement sonore ont souvent été très en avance sur ceux de l'image, parce qu'ils étaient aussi moins chers, donc plus faciles pour les artistes pour se les approprier. Et donc, c'est arrivé beaucoup plus tard, cet équilibre en quelque sorte, ou cette égalité entre le traitement sonore et puis le traitement plutôt visuel ou des données informatiques. Ça, c'est plus à partir des années 2000 et faire depuis une dizaine d'années en quelque sorte, où les outils sont presque aussi légers d'un côté comme de l'autre, même si l'image prend beaucoup plus de place sur un disque dur externe par exemple, mais à part ça, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la même souplesse. Ouais. Et est-ce que la boucle notamment qui est utilisée dans les deux disciplines, ce côté immersif que peut avoir à la fois les arts numériques et les musiques électroniques, c'est ce qui les rapproche aussi au-delà du matériel? NSDOS. Ouais, ça les rapproche, ouais. Mais surtout, en fait, c'est ce qui, pour moi, lie les deux, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui créent les logiciels créent aussi un dialogue commun entre toutes ces disciplines, en fait. Par exemple, quand on voit le format OSC, Open Sound Control, qui permet justement de pouvoir contrôler du son et de l'image, c'est ce qui permet justement d'avoir ce lien-là. Mais après, je pense que plus tard, on aura des trucs qui seront beaucoup plus évidents entre science, image ou science, musique. Pour l'instant, on n'a pas encore, mais je pense que le futur des musiques électroniques va être porté plus vers la science, en fait. D'accord. Après, l'idée de l'immersion, elle est présente depuis très, très, très longtemps. L'immersion dans le son à travers des dispositifs de spatialisation, c'était dans la musique expérimentale, dans la musique électroacoustique, dans le cinéma aussi, à partir de, je sais pas, des films comme Apocalypse Now dans les années 70, par exemple. Et puis, cette idée d'être immergé dans le son, c'était la discothèque. Hein. La discothèque, on est très différent du théâtre dit à l'italienne avec des haut-parleurs qui vous font face. C'est la discothèque. Avant de ça, dans les années 70 à New York, c'est les années disco. Et donc les rêves ne font que pousser ça un peu plus loin, d'immersion dans les fumigènes, dans un espace social, dans un espace de son et de lumière, effectivement. Et puis la musique électronique, celle qui est mixée, qui ne s'arrête jamais, qui est aussi ce caractère très immersif. On ne sait jamais vraiment quand un morceau commence et quand il finit. En tout cas sous les doigts d'un DJ quand il est agile en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est deux idéologies assez communes, et puis beaucoup d'installations d'art numérique aujourd'hui, et puis la réalité virtuelle va de plus en plus vers cette idée d'immersion. C'est peut-être c'est aussi devenu une sorte de cliché en quelque sorte, enfin de cliché, d'une figure qui est très très répandue, peut-être qu'il faudrait un peu remettre en question. Je sais même pas si on peut vraiment, enfin aujourd'hui l'immersion, je l'oublie totalement moi. Le fait de rentrer dans un club, je ne vois plus le côté immersif du club, en fait. Bien sûr. Ouais. Après il y a toutes ces nouvelles recherches sur le son binaural par exemple, mais même avec le son binaural qui est très intéressant, ça rajoute plus je dirais de saveur en termes d'écriture, mais d'immersion je suis pas encore bien sûr. D'accord. Est-ce que les arts numériques ont aujourd'hui le pouvoir d'influer dans le processus de création de la musique électronique? Ouais, totalement. Ouais, moi je suis très inspiré par des hackers qui travaillent sur des systèmes de visualisation, ou même juste le fait de voir des datas, pour moi ça me parle énormément, tout ce qui est data visualisation qui vient des stations météorologiques ou même de la NASA, enfin c'est des trucs, un tableau de bord me fait aller super loin, donc complètement. Et donc comment ça vient concrètement influer dans ta création par exemple, sans être trop technique mais en donnant... Ouais, je le vois un peu comme si je regardais une danseuse en fait, c'est-à-dire qu'il y a selon à quoi ressemble le tableau de bord, mais c'est des choses, rien que cette petite carte son, je veux dire, moi elle me parle beaucoup quoi, c'est à dire que dedans je vois du rythme, je vois énormément de choses quoi. Donc, la carte son qui est sur la table du studio, exactement, hein, qui... Et en plus c'est une boucle parce qu'elle refait le son qu'on produit, mais ouais, c'est la machine en général peut inspirer énormément. Jean-Yves Leloup peut-être. Chez les artistes qui travaillent en duo, artistes visuels et artistes sonores ou musiciens, là effectivement il y a un vrai dialogue de toute manière, et donc il y a une influence naturelle des techniques de production des arts visuels ou numériques sur le musicien. Voilà, il y a un dialogue qui est effectivement bien équilibré chez certains. Alors je crois c'est chez certains artistes qui font les deux. Hein, une des stars du genre Ryoshi Kurokawa par exemple, voilà, il travaille sur les deux, et il travaille surtout à partir de beaucoup de sons naturels qui qui dénaturent en quelque sorte, qui deviennent très électroniques, mais comme certains artistes japonais et comme NS2, ils s'inspirent beaucoup de la nature. Donc là, voilà, il y a des procédés, comme on le disait tout à l'heure, qui sont communs, et chez ces personnes qui sont soit des duos, soit des personnes qui manient les deux médias, on peut dire que la musique, elle dépend entièrement des processus de fabrication et des esthétiques et des codes ou des logiciels de l'art numérique. Okay. On peut citer Cunningham et Aphex Twin, hein, qui est un duo, je trouve, image-son, qui marche très très bien justement comme ça, où on ne sait plus qui a inspiré l'autre. Est-ce qu'on a des exemples, j'imagine que oui, mais du coup j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus, de live ou de projets musicaux créés à partir d'une œuvre d'art numérique et non l'inverse? Bah, chez AntiVJ par exemple, chez cette sorte de label qui rassemble, enfin qui n'existe plus vraiment sous sa forme initiale, le musicien qui est Thomas Vaquier travaillait vraiment, je peux dire qu'il était quand même un peu, il était un petit peu en deçà, enfin, qui travaillait un peu au service des différents artistes visuels et qui travaillait à ses côtés, qui avait des grandes idées, etc. Et lui, il les mettait en forme en quelque sorte. Et on peut dire qu'il était légèrement un petit peu en retrait par rapport aux créations visuelles de ce collectif, par exemple. Après, il y a sûrement d'autres exemples. Mais le plus intéressant, c'est quand même quand les gens travaillent vraiment sur un pied d'égalité. Mais c'est ce qui est un peu dommage souvent, c'est qu'effectivement les artistes numériques sont au service des musiciens. Oui, c'est l'économie est là, donc au service pour illustrer leurs propos. Et quand on est dans l'illustration, parfois on tourne un petit peu en rond. Par contre, quand c'est des gens qui travaillent véritablement ensemble, l'exemple de Tienne de Crécy et de 1024 était vraiment intéressant parce que la star, c'était pas spécifiquement la musique d'Étienne de Crécy, mais c'était vraiment le dispositif. Et c'était un artiste qui en 2007 était vraiment en perte de vitesse aussi à l'époque. Et je trouve que là, il y avait presque un équilibre. Enfin, après l'équilibre, c'est à chacun de le juger, hein, qui était des arts visuels sur la musique. Chloé, toi qui fréquentes beaucoup les festivals qui lient art numérique et musique électronique, t'as vu peut-être quelque chose qui se rapprochait de ça, d'une œuvre musicale qui aurait été créée à partir d'une œuvre d'art numérique? Je dirais Lumière 3 de Robert Henke. Bon, c'est lui qui fait ses visuels et sa musique, mais il a d'abord créé ses visuels laser pour ensuite après aller créer une musique qui vienne se fixer sur ça. Je pense que c'est le cas de pas mal d'artistes qui ont les deux casquettes, à la fois créateurs de leur son et à la fois créateurs des visuels. NS2, on avait pu lire aussi sur un article concernant qui s'intéressait à ton travail que tu avais un robot détecteur de changement de lumière. Comme on sait que tu utilises des capteurs, enfin que tu poses des capteurs sur des éléments en mouvement pour créer ensuite de la musique par ces mouvements. Est-ce qu'on pourrait du coup imaginer avec le robot que tu as qu'une œuvre d'art numérique puisse générer une œuvre musicale entièrement? Oui, ouais. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ouais. Mais c'est comme je te dis à chaque fois, c'est où est la place de la poésie dans tout ça? Bien sûr. Ouais, c'est toujours le propos. On peut. Enfin, je me sens souvent un peu gêné dans ces conversations-là parce que moi, je suis très, old school par rapport à cette notion de poésie, en fait. Une œuvre numérique, si elle n'a pas d'homme derrière, elle n'a plus de poésie, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de machine et que je plaisantais avec l'idée d'entité. Peut-être même de néo-entité dépourvue d'émotion, c'est ce truc-là. Il faut de l'humanité, quoi. Et c'est nous qui designons l'architecture et c'est nous qui donnons la poésie à ces choses-là. Donc une œuvre qui génère elle-même du mouvement ou de la musique, ouais, ça peut-être ses limites. Oui, bien sûr, ça a forcément ses limites. Mais on pourrait imaginer de la. On pourrait imaginer. Ouais. Ouais, l'idée peut-être c'est d'imaginer justement une végétation qui générait de la musique. D'accord, pour remettre l'organique au centre. Pour pouvoir faire pousser une autre végétation dans un espace un peu plus loin. D'accord. Ouais. On va terminer par une question très large. Donc, selon vous, le futur de la musique électronique se situe-t-il dans son dialogue avec les arts numériques? Jean-Yves Leloup, pour commencer. Oui, très certainement, parce qu'ils sont liés maintenant. Ils sont liés pour les concerts, pour les festivals. Ils permettent aussi de résoudre une question un peu problématique, c'est le geste instrumental qui est peu présent dans la musique électronique. Et donc, même si de nouveaux instruments arrivent, ils arriveront à travers des technologies numériques, des nouveaux contrôleurs. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement là-dessus, justement, pour redonner du mouvement, du geste, de l'humanité aux musiciens électroniques sur scène. Et puis maintenant, on n'en est qu'au qu'aux toutes premières années de ces spectacles audiovisuels, de ces concerts audiovisuels, il y a aussi une demande économique, il y a une demande du public, donc je crois qu'on en est qu'au début, effectivement. À condition que ça sache se renouveler, parce que sinon, on va vite tourner en rond. Et à condition de remettre aussi l'organique au premier plan. Après, je trouve ça marrant de se dire que l'art numérique en fait, est en train de couler et qu'on est en train de montrer qu'en en fait, on est en train de se fourvoyer avec les technologies. Enfin, je me dis toujours que enfin, un de mes projets en Alaska, c'était si jamais c'est la fin du monde ou si jamais il y a une guerre, comment moi je continue à être un musicien en fait. Donc, et comment avec les outils que j'avais déjà en ma possession, comment je peux continuer à créer. Mais je me dis toujours, quand il n'y aura plus ces outils-là, si jamais il n'y a plus ces outils-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit comme on anticipe en fait. D'accord. Ouais. Et Chloé, peut-être ta vision. Je suis assez d'accord et je vais parler quelque chose d'assez trivial, mais moi j'ai l'impression que l'art numérique dans les clubs, ça tend à supprimer l'alcool, la drogue, parce qu'en fait c'est juste le fait d'avoir tous ces visuels autour de nous, ça nous transporte dans un univers second et ça supprime ce besoin en fait de passer dans des univers entre guillemets parallèles par le biais de substances ou par le biais d'alcool. Personnellement, je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue et les gens, ça les étonne toujours. Et quand on est vraiment, passionné, on n'a pas besoin de... Pas passionné, mais quand on est vraiment à l'intérieur de quelque chose et qu'on lâche prise, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Donc pour toi, au niveau sensoriel, en fait, voilà. La transe que les gens recherchent par la consommation de stupéfiants, les arts numériques pourront apporter. Exactement, par le fait de stimuler plus seulement l'ouïe, mais aussi d'autres sens. Donc pas seulement le futur, mais assainissant en plus. Voilà, exactement. Très bien. Écoutez, on va clôturer cette émission par une question traditionnelle de cette émission maintenant. Je cède la parole à Léo. Vous l'avez compris, votre appartement est en train de brûler, ce qu'on ne vous souhaite pas, et vous n'avez que le temps de choisir 3 disques avant de vous sauver. Lesquels prenez-vous? Chacun votre tour. Chloé. En premier, un disque Primrose Avenue de Space Africa. C'est un duo anglais qui font de l'ambiance et c'est vraiment très chouette. Un deuxième. Jean-Yves, peut-être en attendant. Ouais. Bah, premier, je prendrai un morceau de Brian Eno, mais c'est des morceaux de musique générative. Voilà, moi c'est plus pratique parce que c'est une musique qui ne se, enfin, ça reste du Brian Eno, mais ça se renouvelle constamment à partir de ces logiciels. Donc ça serait sur une petite appli sur iPad, enfin sur une île déserte, je sais pas, ça marcherait longtemps, mais on pourrait imaginer une musique générative. Voilà, c'est le grand truc de Brian Eno. Donc voilà, si je dois passer l'éternité ailleurs. j'aurais un truc similaire aussi. Je pense que j'aurais un device qui écouterait mon fonctionnement du corps et qui le transformerait en musique. Pas de matériel, je pars avec rien. On se sauve. Ouais. Pas de disque. De la technologie. Non, moi je prendrais aussi un disque qui manque dans mon enfance ou mon adolescence, donc beaucoup plus, un truc beaucoup plus folk ou un peu 70s, un peu progressif ou planant, quelque chose qui me renvoie à une forme de passé aussi, sans m'y complaire, mais voilà, je sais pas, ou une musique qui évoque justement une époque que j'ai pu connaître au cours de ma petite enfance, c'est pas l'album de Love, le célèbre album de Love par exemple, je sais pas, du groupe d'Arthur Lee. Eh bien, merci beaucoup à vous. C'est l'heure de clôturer cette émission. On va se retrouver, nous, dans 2 semaines pour un sujet que on vous livrera en temps voulu. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Au revoir. Make it deep.